Donc, je m'appelle Bruno Andréotti, je suis prof de physique à Paris 7. Et en conséquence de quoi, je ne suis ni sociologue ni politologue, et donc je ne m'exprime pas escalité. Enfin, si, je m'exprime escalité comme universitaire, mais pas au sens de vous donner des idées que je revendique comme originales. La plupart des choses sont fruit de lecture ou de réflexion, mais pas de. Elles ne sont pas à mon travail, disons. Et donc, c'est un exposé politique que je vais faire. Et j'insiste sur le fait que ce soit un exposé sur le politique et pas la politique. Je n'ai pas d'attache partisane. Donc, ça permet de dire d'où je parle. Deuxièmement, avant d'attaquer la partie abstraite de la chose, je voulais m'expliquer sur le titre, et à vrai dire, il a fallu que je me l'explique à moi, le titre que j'ai choisi. Donc, essayer encore, rater encore, rater mieux, c'est le goût le plus connu du dernier texte de Beckett, qui s'appelle en français « Cap au pire », et qui a été joué il n'y a pas longtemps par Denis Lavant. Je vous conseille d'aller le voir, c'est absolument extraordinaire. Et donc, essayer encore, rater encore, rater mieux, cette figure de l'épuisé, je l'ai choisi alors même que je voulais piquer à Mathieu Pot-Bonneville le titre de son dernier bouquin qui était Recommencer, qui était infiniment plus positif, mais ça m'a semblé mieux figurer le fond de ma pensée. Et donc, qu'est-ce que je mets là derrière? Eh bien, d'une part, je crois que qu'en 22 ans à l'université, il n'y a pas un démarrage de mouvement auquel je n'ai participé, donc une visibilité des ratages successifs assez grand. À commencer par un succès quand même de Sauvons la recherche il y a 20 et quelques années où on a obtenu. C'est ambigu. Comment ? Un succès apparent qui a persisté avec un désastre. Mais qui a commencé quand même par obtenir 2000 postes en à peu près 15 jours, avec une pétition à 70 000 signatures et en étant, 70 dans la rue à tout casser. Aujourd'hui, ça n'est plus possible d'obtenir 2000 postes, et de toute façon, les contreparties qui ont suivi ce primo mouvement ont été terribles, puisqu'on s'est engouffré là derrière, l'ANR, elle reste. Dans le sillage de ce gain apparent. Tu parles oui. Du mouvement de 2004. Ah oui, c'est ça. Donc ça ne fait pas tout à fait. Je me vieillis. Le rater encore et aller, pour ma part, jusqu'à aller faire du lobbying. Je connais les couleurs des moquettes de l'Élysée, de l'Assemblée, du Sénat. Et j'ai une gloire qui est d'avoir dans la loi Fioraso une ligne que j'ai écrite de ma main sur l'association. Ce qui est quand même ce qui sera mon dernier titre de gloire. Et donc l'ensemble de ces branches de l'arbre des possibles ayant échoué, je suis bien obligé de reprendre ce rater encore, rater mieux. Et ça, il y a une autre évocation sur se rater encore, rater mieux, auquel je pense pas forcément sérieusement, mais je vous le dis quand même. Il y a une prédiction de Castoriadis que j'aime beaucoup. Quand Castoriadis s'est dégagé du marxisme, il s'en est dégagé avec l'idée suivante, une chose qui a lamentablement échoué dans les prédictions du marxisme, c'est le fait qu'il aurait dû s'effondrer depuis le temps spontanément par ses contradictions internes, par l'érosion tendancielle du taux de profit, et il ne s'est pas effondré manifestement spontanément, la raison profonde étant que on ne peut pas enlever toutes les résistances de la société qui font qu'elle tient malgré tout. Et elle tient parce qu'on oppose ces résistances permanentes. Et donc, se rater encore, rater mieux, c'était d'une certaine manière l'idée saugrenue que si on cessait d'opposer toute résistance et qu'on se pliait aux injonctions, qu'on fasse une grève du zèle, eh bien, peut-être, qu'on aurait un désastre plus net. On mettrait plus nettement cap au pire. Et donc, cet échec plus complet, il y a des moments où il devient foncièrement désirable quand on en est à tant d'années de micro-résistance. Je referme ça et je vais aller au bout dans quelques dizaines de minutes à la question très sérieuse qui a été posée et auquel je réfléchis depuis des années, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire dans l'état actuel des choses pour vraiment, en un sens un peu plus concret, avoir des vies professionnelles et des vies tout court de meilleure qualité, je ne sais pas comment formuler la chose, augmenter, on dirait, par rapport à celle que nous vivons. Et pour arriver à ces moyens, eh bien, je m'excuse d'avoir à répéter la partie de diagnostic, mais d'expérience, je pense que si on part sur un diagnostic qui est distinct, je ne vois pas comment on pourrait arriver à des propositions qui n'appartiennent pas à l'arbre des possibles déjà exploré, puisque celles-là, on sait qu'elles échouent. Ah, j'ai oublié de vous mentionner quand même, pour détendre l'atmosphère, j'ai fait aussi le lancer de tongs sur le ministère, qui est très bien, je vous le recommande. Le lancer d'avion en papier sur le ministère. Le mur de CV sur ramette A4 avec CV de précaire contrecollé sur la ramette A4 place du Panthéon. Donc, le champ exploratoire des choses qui ont échoué là, est remarquable. Donc, c'est en ce sens que je prends vraiment sérieusement cette question de comment s'organiser et que faire dans qui échappe à ces choses qui échouent lamentablement depuis des années. Donc, poser le diagnostic, poser ce à quoi nous aspirons. Et le « nous » dans cette phrase n'est pas un « nous » de majesté, mais une partie de la question, c'est-à-dire s'il faut distinguer d'un « nous » d'un « eux », eh bien, c'est presque la moitié de la solution d'arriver à le poser clairement, qui est le « nous » et nous reconnaître comme étant « nous » au lieu d'être des individus, eh bien, ça changerait légèrement la chose. Donc, le poser le diagnostic, c'est ce qui a été le plus fait. Malgré tout, ça reste difficile, pour la bonne raison qu'il y a des réponses les plus simples sont celles qui neutralisent le politique, c'est-à-dire qui n'engagent pas fondamentalement, qu'on peut énoncer de manière un peu distanciée, qui sont les questions de structure et de financement. Et c'est naturellement par là que les derniers mouvements ont émergé, pour la bonne et simple raison que c'est inessentiel, ou en tout cas, c'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, il est posé malgré tout par des petits groupes de personnes. Il est posé d'une part comme étant les problèmes génériques ayant trait aux étudiants, le niveau des étudiants, etc. Donc ce sont des choses qui sont douloureuses à discuter publiquement. Et d'autre part, le fait que l'essentiel de nos problèmes viennent de nos collègues. Et cette question-là, elle est éminemment douloureuse, puisque le « nous » distingué d'un « eux » passe au travers de la communauté universitaire. Et donc, je vais faire comme tout le monde, c'est-à-dire partir des choses qui ne sont pas douloureuses, c'est-à-dire l'argent, donc évidemment... L'argent, c'est ce par quoi les derniers mouvements ont nucléé. Et d'une certaine manière, tout le monde s'accorde à constater le désengagement de l'État depuis des années. Et à l'évidence, à cause de la pyramide des âges et la conjonction avec le désengagement financier, il y a une génération de jeunes chercheurs qui est sacrifiée, selon l'expression consacrée, et c'est une réalité. Malheureusement, moyennant quoi, périodiquement, c'est par cet endroit-là que se relancent les choses avec des mouvements essentiellement d'ordre symbolique, c'est-à-dire attirer l'attention des journaux, des médias, pour obtenir de bonnes recensions dans les médias par des actions d'ordre spectaculaire qui, invariablement, à l'exception de ces 2000 postes emportés il y a longtemps, échouent. La deuxième question, et ça, c'est le standard qu'on réserve à la machine à café, c'est se lamenter entre collègues en désignant des privilégiés qui sont au choix les secrétariats pédagogiques qui dysfonctionnent, qui n'ont pas encore fait leur travail. Les biats vus des enseignants sont toujours des privilégiés qui s'ignorent et sur lesquels on râle. Et de l'autre côté, à l'évidence, le problème des étudiants. Et ça, c'est-à-dire le niveau des étudiants qui n'est pas celui qu'on attendrait, et avec malgré tout un fond de réalité. C'est une question que je ne veux pas du tout minorer, de savoir est-ce que l'ensemble des étudiants qu'on reçoit à l'université sont préparés à aller à l'université. Je tiens pour une réalité, en particulier dans ma discipline, que le niveau d'exigence, disons le programme, pour dire les choses encore plus simplement, c'est abaissé d'à peu près un an tous les 10 ans, c'est-à-dire sur 20 ans, 2 ans. Et donc ça, c'est une réalité parfaitement tangible, parfaitement audible, qui appelle à des réponses. Mais il faut bien voir qu'il y a toute la frange qualité de la science française pour laquelle c'est l'unique question. Et cette question appelle des réponses techniques, ces réponses techniques étant la sélection, de sorte à ce que les étudiants qui n'ont rien à faire à l'université n'y soient pas, et qu'on retrouve les conditions d'antan dans lesquelles l'université était l'université. Donc je ne minore pas cette question, je la remets pour dire qu'elle est, elle est douloureuse à discuter de toute façon. L'aspect... j'ai rien à dire d'original là-dessus, sur le reste non plus, mais... La question des structures, je vais passer par là, donc elle va me permettre de poser ce que je considère comme étant le problème, le mien, disons, de mon point de vue. La question des structures, elle a ceci de spectaculaire quand on l'examine, qu'elle a été théorisée par avance dans le rapport Aguillon-Cohen de 2004, et que le programme posé par Aguillon-Cohen, légitimé même par des équations en notes de bas de page d'une indigence à pleurer, il faut voir quand même le niveau de ces gens qui décident pour nous de notre vie, le niveau de mathématiques, j'entends. C'est effarant. Et donc ces gens ont posé les principes qui ont été appliqués par la haute fonction publique, en prenant à chaque fois qu'il y a une fenêtre de tir disponible, selon le langage de la haute fonction publique, eh bien la fenêtre de tir a été prise. Et donc ce raisonnement, on a échappé sous Sarkozy à un certain nombre de fenêtres de tir. La fenêtre de tir s'est enfermée pour les raisons qui ont été la crise de 2007, qui a empêché, par crainte de réaction de la rue, de faire passer le train de réforme qu'on vit en ce moment. Mais d'une certaine manière, il y a, si on lit le rapport à Aguillon-Cohen, on se rend compte à quel point on sous-estime le fait qu'il y ait une pensée de la réforme sur le long terme qui pilonne. Et donc, c'est à ce site pratique que, du coup, la théorie, elle est faite par les gens qui en ont décidé, et qu'elle n'est donc plus à faire, la théorie, de point de vue critique, puisqu'elle existe. Et les réformes se sont articulées en deux choses. L'une qui est l'autonomie des universités, déclinée en 4 sous-volets, alors dans le document Aguillon-Cohen, il n'y en a que 3, il parle d'un trépied, mais enfin c'est pas grave, il y en a 4. L'autonomie administrative qui consiste à ce que les universités deviennent des entités indépendantes de l'État et indépendantes les unes des autres, et essentiellement à ce que les conseils d'administration ne puissent plus être sous le contrôle des universitaires. C'est quand même l'essence de la chose, et cette chose-là arrive dans le train de réforme qui vient avec la dérégulation statutaire des universités, de permettre tout format pour les conseils d'administration. Et la première question du jury IDEX il y a quelques semaines à tous les candidats, entre guillemets, puisque c'est relativement bidonné, a été: mais pourquoi mettez-vous si peu de membres extérieurs dans vos conseils d'administration ? Donc cette chose-là, elle est claire sur ce que c'est l'autonomie administrative, et elle est claire ce que c'est, de qui c'est l'autonomie. C'est l'autonomie de la technostructure des universités vis-à-vis des universitaires, des étudiants et des autres personnels. La deuxième branche de l'autonomie, c'est le recrutement, l'évaluation, la gestion des personnels. Les BIATS se sont déjà passés là-dessus. C'est du passé pour eux, c'est encore de l'avenir pour nous, en ce sens que le recrutement est local, mais reste sous le contrôle approximatif des universitaires eux-mêmes et pas des présidences. On ne négocie pas nos salaires avec les présidences. Les présidences ont un droit de veto, mais c'est tout, qu'ils utilisent à l'occasion, mais en général ça râle quand même. Une partie de l'évaluation, une partie de la gestion est prise en national par le CNU, qui est une instance simultanément excessivement bureaucratique et critiquable, et qui, dans le même temps, reste une protection vis-à-vis de ce programme qui y arrive. Donc ça fait partie du programme de Macron. Donc sans surprise, on devrait avoir la suppression du CNU d'ici quelque temps. L'autonomie pédagogique, on est en plein dedans. Il s'agit non pas de restituer aux universitaires le droit de définir leur parcours, qui est leur droit de tout temps garanti par la Constitution, mais de différencier les valeurs des diplômes entre universités, de sorte à les mettre en concurrence. Et le quatrième volet, c'est le volet tabou. Il n'y a pas que nous qui avons des tabous. C'est l'autonomie financière, dont il faudrait être fou pour ne pas voir que la ligne de cohérence passe par là. Et c'est un tabou parce que la fenêtre de tir n'est pas là. La fenêtre de tir ne sera peut-être pas là dans les 10 ans qui viennent. Mais c'est absolument une évidence que c'est le quatrième volet de l'autonomie. Donc ça, c'est une description relativement objective de la chose. Ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de ces mesures partent de l'autonomie qui a été qui a été un mot prélevé au vocabulaire des mouvements émancipateurs pour avoir un sens littéralement inversé par rapport à son sens d'origine. Et toutes ces mesures ont été passées de manière excessivement segmentées, sans jamais leur redonner la cohérence qu'elles ont, puisqu'on a le rapport à Guillaume-Cohen initial qui dit cette cohérence. Et elles sont toutes passées comme étant des mesures de technicité, de simples mesures techniques, de modernisation, mais sans fond idéologique. Donc il importe de remettre l'idéologie derrière ça, de sorte à sortir du caractère technique des choses. Donc tout ce qui a l'essence de ces quatre volets de l'autonomie a été de créer et d'amplifier une technostructure qui elle-même n'est que ce qu'on appelle un middle management, c'est-à-dire qui a des marges de manœuvre excessivement faibles. Elle est le management quand même, mais sa capacité de décision est pratiquement nulle. Et ça s'est passé par divers moyens, mais des moyens très concrets. Le ministère, la DGSIP, qui prend son téléphone et appelle une présidence d'établissement. Donc ça, on sait ça parce qu'il y a, y compris dans la réaction, le président d'Assas qui a porté témoignage de comment se passait une pression sur une présidence d'université. Eh bien, ça se passe par un coup de fil. Voilà, il y a 15 postes si vous faites ça. Et sinon, eh bien, vous aurez une pression dans l'autre sens. Donc les coups de fil de la DGSIP, surtout quand c'était Simone Bonafoux-Lisambourg, sont restés historiques parce qu'elle allait au contre à chaque fois qu'il y avait une ambition de faire un tout petit peu à côté de la ligne centrale. Elle prenait le téléphone pour régler ça. On a vu la manière dont l'IDEX fonctionnait. Donc l'IDEX a été repris en main par M. Coulon dans la période récente. Sous Hollande, c'était très différent. Il faut vous donner cette anecdote que Hollande est allé jusque à écrire une lettre d'excuse au président de l'IDEX pour avoir tenté de passer outre les décisions du jury. Le fameux Aguillon a claqué la porte de l'IDEX de colère de la tentative de Hollande de reprendre la main. Et maintenant, la haute fonction publique ayant le pouvoir, elle n'a plus besoin de ces outils de l'IDEX. Et donc, le CGI a été supprimé, remis sous contrôle de l'État. Et l'Élysée pilote prend les décisions de l'IDEX. Donc, cependant, on voit bien à quel point l'IDEX est la manière dont on impose une volonté de l'État à des présidents d'université que l'on perçoit, nous, comme étant notre technostructure sous laquelle on se situe. L'autre volet de Aguillon Cohen, c'est la politique d'excellence. C'est son nom officiel, la politique d'excellence passant par la généralisation des appels à projets que vous connaissez, la mise en concurrence généralisée des individus et des structures, et c'est le volet qu'on a en ce moment, la différenciation des structures. Les raisons pour lesquelles on crée de la différenciation. Donc, c'est le mouvement actuel de réforme, c'est profondément quelque chose qu'on a mal caractérisé avec la sélection, qui est profondément un mouvement de différenciation, c'est-à-dire de partant de l'homogène, partant dans d'une situation dans laquelle il n'y a pas de marché, puisque si tout se vaut, on ne peut pas mettre en concurrence. Si on veut créer du marché, il faut que les éléments soient distinguables les uns des autres. Il faut créer du gradient, il faut créer de la différenciation. Cette différenciation, elle est totalement explicite entre des différenciations géographiques, les centres des métropoles et l'environnement, pour Paris, la banlieue. La différenciation entre des structures qui sont amenées à être de pur enseignement ou des collèges universitaires et des structures à visibilité internationale, de recherche, etc. Et donc, dans ce travail de différenciation, à l'évidence, il y a quelque chose d'un peu drôle à parler, à faire la réunion des alcooliques anonymes à l'EHESS, dans la mesure où l'EHESS est d'évidence au sommet de la hiérarchie symbolique est nettement protégée de ça, et les statuts des universitaires d'ici sont enviés comme les statuts des CNRS sont enviés. Et il faudrait s'interroger sur pourquoi c'est ici, malgré tout, que se fait la parole là-dessus. La partie la plus douloureuse derrière cette description de surface, c'est par quels moyens est-ce que nos collègues ont adhéré aussi massivement la politique d'excellence en particulier. J'ai oublié un volet théorisé dès le début par Aguillon Cohen, je vais revenir dessus. Ce volet, il me semble amusant parce qu'il dit quelque chose d'autre que ce que je viens d'énoncer. C'est les raisons pour lesquelles il y a eu la politique de regroupement, donc la loi Fioraso. Il me semble, alors je n'ai pas des informations, des fuites trop bonnes, mais c'est une interprétation relativement valide avec ce que je peux avoir comme enseignement, que la haute fonction publique croit tellement aux outils du néo-management, croit tellement au classement, à l'évaluation et au mode projet, que lorsque eux ont réalisé ce que disait le classement de Shanghai d'eux-mêmes, ils ont eu un choc. la raison pour laquelle le classement de Shanghai, qui semble une absurdité à l'universitaire de base, a pris une telle importance, on l'a interprété, je pense, trop comme étant un outil de crétinisation, un outil d'infantilisation. Mais je crois plutôt que lorsque la haute fonction publique a vu où était l'ENA, a vu où était HEC, a vu où était Polytechnique dans ses classements, c'est-à-dire inexistant, a vu aussi que partout ailleurs qu'en France, le doctorat était la norme de reconnaissance que n'a pas la haute fonction publique, l'élite française, eh bien, ils ont eu un choc et ils ont sincèrement tenté quelque chose. Et alors, tenté en toute naïveté, puisque eux sont très bien placés pour savoir comment fonctionnent les lobbies et la puissance des lobbies en France qui a arrêté net les choses. Alors, il y a d'autres aspects que ça. Vous savez, vous, comment le HESS est passé à PSL, refermant le fait que PSL est intégralement la structure définie par le fait d'être sélectif. Il n'empêche que c'est quand même absolument spectaculaire l'absence totale de réussite de l'injonction à rapprocher les grandes écoles de l'université. Totale. Or, c'est quand même un problème, disons. Si on se place du point de vue, momentanément, du point de vue de la haute fonction publique, et qu'on souhaite avoir un pays qui ressemble, qui a l'industrie de l'Allemagne, eh bien, à l'évidence, il faut que les ingénieurs aient un doctorat, de sorte à accéder à l'innovation, de sorte à irriguer l'industrie. Et cette séparation grandes écoles-université est un drame pour le pays dans leur logique. C'est ça qui me fait dire que c'est bien ça le raisonnement qu'ils ont tenu, et ils ont échoué dans leur propre jeu parce que, au fond, eux aussi sentent ce sentiment d'impuissance qui nous touche. Ils sont aussi le jeu des lobbies qui arrivent à contrôler des choses qui semblent aussi simples que demander à Polytechnique de travailler avec l'université adjacente. Donc ce troisième volet est intéressant parce qu'elle est un échec de leur part quand le reste a été déroulé parfaitement. Excuse-moi, tu peux préciser, parce que je ne connais pas bien PSL, je connais bien sa clé, mais il y a eu des tentatives de mettre une université, puis il y en a, elle a disparu, ou bien c'est que des... Absolument. Cette histoire-là dit quelque chose du fonctionnement et de mon point d'arrivée, puisque ce qui était prévu au départ, c'était de fédérer tout le quartier latin, d'avoir l'unité géographique, d'avoir la mixité, d'avoir l'université de masse en bas à Jussieu, le Collège de France sur les pentes, et au sommet de la hiérarchie symbolique, l'école normale, avec donc un ensemble géographiquement cohérent, l'appellation Sorbonne qui va bien, et évidemment la Sorbonne historique dedans, Paris 4. Et ça a échoué parce que les acteurs, comme on dit dans le langage technocratique, c'est-à-dire deux présidences, en l'occurrence la présidente de l'école normale, Madame Cantos-Perber, et le président de l'époque de Paris 6, dis-moi, Bérézia, ne pouvaient pas s'entendre et ont fait exploser la chose qui, quand même, à nouveau me plaçant dans la logique de la haute fonction publique, eût été une réussite manifeste. Quelque chose, unité géographique, le mélange entre le meilleur de la recherche et une dimension d'université de Mars, la marque à l'international, la Sorbonne, la seule connue, c'était somptueux. Et ça a éclaté pour des questions humaines. Ça montre à quel point ça repose sur un petit nombre de personnes. Deux. Un échec pareil. Bah oui. Donc il n'y a même pas eu besoin du travail des lobbies, ça a éclaté pour ça. Donc, j'en viens au point douloureux. Pourquoi est-ce que une grosse partie de nos problèmes, ce sont nos collègues? Et du coup, comment on s'arrange avec cette situation-là, c'est-à-dire à séparer un nous d'un eux et trouver des formes d'organisation qui fassent que on arrive à faire quelque chose malgré tout. À nouveau, il y a la théorie de ce qu'on subit existe pratiquement à l'état pur, qui s'appelle la théorie du capital humain, qui vient de la branche du néolibéralisme de Chicago, de la branche américaine. Cette théorie repose en substance sur l'idée que pour déprolétariser la société, c'est-à-dire que les gens qui travaillent et qui sont dépossédés de leur travail dans la vulgate marxiste et qui deviennent des marchandises du fait qu'ils accèdent au marché du travail, pour empêcher ces gens de se penser comme étant réduits au statut de marchandises, eh bien, il faut les enrôler dans une nouvelle image d'eux-mêmes qui est de les constituer en capital humain. De ce fait, le salariat disparaît puisque si on se trouve être soi-même capital humain, sa production devient non pas son salaire mais le dividende de son capital. Le capital humain, concrètement, eh bien, c'est par exemple dans la réforme du bac en cours, vous lisez le rapport sur la réforme du bac et vous voyez qu'il s'agit de constituer des portefeuilles de compétences, de constituer des élèves, on parle de gamins de 15 ans, de les constituer en portefeuille de compétences, ce portefeuille de compétences étant destiné à être apprécié et à contenir toute la vie, c'est-à-dire tout ce qui était de dimension de votre vie, devient partie de votre capital, de sorte que on crée une image de soi qui conduit à se comporter de sorte en permanence à accroître son crédit, à accroître ses actifs. En ce sens que ces actifs, alors pour les chercheurs, maintenant ça parle énormément, puisque en quoi consiste ce capital? Eh bien, par exemple, avoir ces articles cités pour les scientifiques. Le nombre de citations, l'endroit où sont publiées les choses, eh bien, sont autant de marqueurs qui finissent par déréaliser l'activité scientifique qui consiste à produire le savoir. L'appréciation devenant l'objet même de la production. Cette chose-là, eh bien, telle que théorisée par Chicago, par l'école de Chicago, et permet d'avoir un contrôle, et là, je vais faire ma seule occurrence de physique de la soirée, c'est le modèle qu'il propose, qui est fonctionnel, puisqu'on le voit sous nos yeux fonctionner, c'est ce qu'on appelle une théorie de champ moyen. Qu'est-ce que c'est une théorie de champ moyen? C'est que si vous avez des particules en interaction, les unes avec les autres, les agents sont des particules qui s'ignorent. Si vous voyez le type de modèles qui sont produits par les économistes de la théorie des jeux, Tyrol par exemple, eh bien, vous voyez que ce sont des modèles dont on ricanerait en physique tellement ils sont loin de toute réalité, de toute validation et qui sont proches d'une épure de ce type. Donc la théorie de champ moyen consiste à dire que lorsque un agent va interagir avec d'autres agents, eh bien l'ensemble de ces agents va se comporter comme un milieu et non pas comme des agents. Chaque individu se retrouvant à interagir au travers d'un système normatif dans la vie réelle. le contrôle par un milieu, ça consiste à créer des situations, en pratique un système de normes, qui conduit chacun à contribuer lui-même au travers du milieu à contrôler les autres. Alors ça, on voit ça très bien, je vais redescendre sur Terre. On voit ça très bien dans les procédures d'évaluation. Pourquoi la procédure d'évaluation fonctionne comme ça? Parce qu'on est, à l'évidence, tour à tour, évaluateur et évalué en permanence. J'ai reçu mes premières demandes de rapport à NR, je vais donc faire des rapports à NR. Et comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne qu'on contribue au contrôle généralisé, puisqu'on obéit au système de normes qui est édicté par d'autres. C'est uniquement le système de normes qui fait qu'on remplit sa fonction d'évaluateur tout en ne voulant pas la remplir. C'est par ça qu'on contribue à constituer le milieu avec lequel chacun interagit, contribuant à la machine de contrôle. Donc tout ceci a été théorisé, tous les ouvrages de néo-management, si vous regardez, si vous récupérez des vieux ouvrages des années 70 de gestion, comme ça s'appelait à l'époque, eh bien, vous pouvez aller voir dans l'index, et l'entrée comportant le plus de pages dans l'index d'un manuel de gestion, c'est le mot « hiérarchie ». Pendant l'ère fordiste, eh bien, la bureaucratie fonctionnait de manière ascendante avec des ordres donnés selon une certaine rationalité, et la hiérarchie faisait tenir la machine, la discipline. Dans le néo-management, le cœur, l'entrée la plus massive, c'est projet. Le projet, c'est la chose par laquelle le néo-management contrôle, puisque c'est ce qui permet d'aligner les désirs du contrôlé sur le système normatif édicté. Ce système de normes, il porte un nom en novlangue, il s'appelle gouvernance. La gouvernance est par définition l'ensemble des normes qui assurent que chaque individu se comporte constructivement pour constituer le milieu qui contrôle chaque individu. Donc, je m'excuse du caractère abstrait, mais c'est ça qui fait que notre ennemi est simultanément un ensemble de réformes, mais pas seulement. On a à se battre contre nos collègues ou le système de normes qui conduit nos collègues à se comporter de sorte à contribuer à cet ensemble cohérent comme ça. L'existence de ces normes fait qu'il faut des gens pour les édicter. Et l'ensemble de ces gens constitue la technostructure et ne décide pas directement de ce que vous faites, mais décide des normes qui vous sont imposées. À nouveau, l'IDEX est tout à fait éclairant, puisque je n'ai pas amené avec moi la liste des questions qui a été posée par le jury IDEX aux membres. Je vous les restitue de mémoire, telles qu'elles ont été posées dans l'ordre. Donc je vous ai déjà cité pourquoi est-ce que votre conseil d'administration, vous êtes si frileux sur le conseil d'administration, il faudrait mettre que des membres extérieurs. Comment allez-vous assurer votre contribution à l'existence d'un vrai marché des étudiants, et en particulier des meilleurs étudiants internationaux? Comment allez-vous contribuer à un mercato des chercheurs? Etc. Donc on voit ce système de normes, il est édicté, et à nouveau, les membres du jury IDEX ne sont rien, ils sont du middle management qui eux-mêmes héritent d'un système de normes qu'ils n'ont même pas décidé. Du reste, c'est venu à l'esprit de presque personne d'aller bloquer un jury IDEX, ils ne sont rien, on les considère comme rien, et pourtant, ils sont un rouage qui rend fantasmatique l'endroit où sont édictées les normes qu'on suit. On peut du reste imaginer que même les édicteurs de normes se comportent de manière à se conformer à des règles encore plus subtiles. Donc l'ensemble de ça me conduit à poser le problème qui est... Tu veux que je m'arrête ? Non, t'as 5 minutes. 5 minutes. Ouais. À une séparation entre un ensemble de gens qui sont des décideurs ou des managers et nous qui sommes des exécutants. Et ceci, cette séparation entre décideurs et exécutants, est constitutive de ce qu'on appelle la bureaucratie, non pas au sens bébérien, mais au sens moderne de la chose. Et pour ma part, le « e » du « nous » que je souhaite distinguer, eh bien, c'est celui-là, celui d'exécutant et de décideur. Et je suis fermement décidé sur cette chose-là, à appeler bureaucratie ce qui constitue une bureaucratie en ce sens précis. J'arrive donc au moyen pour sortir de cet état des choses. Si la question centrale qui nous occupe, c'est les conséquences de cette bureaucratisation intense, eh bien, elle nous occupe parce qu'elle redouble la dépossession de notre métier, qui a été évoqué dans le premier exposé, en ce sens qu'on ne se sent plus et on n'est plus décisionnaire de nos pratiques elles-mêmes, mais cette dépossession, ce vide de sens généralisé, je pense qu'il est une partie du problème des étudiants également. C'est-à-dire, si on se plaint du niveau des étudiants, c'est pas totalement du niveau des étudiants, mais aussi de leur sentiment d'être là par hasard. Et on commence à sentir chez les collègues, voire chez soi-même, ce sentiment de distance à sa pratique, à finalement ne plus en avoir rien à foutre, puisque quand on n'est plus investi soi-même, mais qu'on se comporte comme des investis, comme dit Fer, vis-à-vis d'experts qui vous évaluent, eh bien, on perd le sens de ce qu'on fait. Par quels moyens est-ce qu'il serait possible d'influer là-dessus ? J'en ai distingué trois. Ils sont minimalistes. Et ils dépendent à quel point on part des faits ou pas, à quel point nous avons le sentiment d'être minoritaire ou pas. Évidemment, si on a lu les ouvrages de néo-management, à nouveau, on sait que le sentiment d'être isolé, d'être replié sur sa sphère privée, d'être seul dans sa situation, est une stratégie entière pour dépolitiser et aseptiser les relations. Par conséquent, on serait tenté de dire, a priori, nous sommes majoritaires, mais étant donné l'adhésion massive, on a envie de dire aussi, en pratique, qu'on se voit minoritaire, n'est-il pas ? Et donc, eh bien, ça met des lignes de possibilités différentes. Je vais commencer par la plus ténue pour aller vers la plus haute. Le plus ténu, peut-être le plus pratique, consiste à reconstituer des réseaux de solidarité, c'est-à-dire à juguler le sentiment d'isolement, c'est du reste le mot d'ordre d'appel ce soir, c'est-à-dire se connaître les uns les autres, de sorte à rétablir des relations de confiance. Ces relations de confiance, on voit bien les situations dans lesquelles elles s'effondrent. Il faut pour ça arriver à sortir de la logique d'appréciation. Il faut arriver à sortir de la logique où tout autre que soi est en train de vous évaluer pour apprécier votre capital symbolique. Et donc, il faut bien se connaître par avance pour dire que ces règles du jeu, on les fait tomber entre nous, même si nous est un petit nous qui est un réseau infime de connexions. Et des échanges informels par mail avec nombre de collègues que je ne connais pas, beaucoup de gens souffrent de cette solitude élémentaire de ne pas avoir une oreille pour discuter de ces problèmes du jour, vraiment des choses très, très concrètes et très petites à parler, puisqu'on ne peut plus parler en confiance dès lors que tout le milieu environnant est en train de déprécier votre capital symbolique potentiellement. Si vous vous plaignez, c'est donc que vous êtes déjà en train de dévisser. Dernier corbeau. Alors, ceci, concrètement, ça pose uniquement un double choix, soit le laisser en souterrain complet, ce qui signifie qu'on s'attend à avoir 30 ans très, très, très difficiles, et on en est à constituer des réseaux de résistance. Et ces réseaux de résistance, eh bien, ils consistent à pouvoir compter les uns sur les autres, mais ça va très vite les conditions où on prend conscience de ça. Et donc, cette question-là, eh bien, on voit bien qu'il faut avoir déjà établi des relations qui sont avancées de sympathie pour que se porter solidaire, comme on vous dit « jette-toi par la fenêtre » et vous vous jetez. Non. Donc, c'est à ce niveau qu'il y a quand même un déficit. Et ça, la défaite de 2009 a volatilisé le milieu universitaire, l'a fragmenté à un niveau inouï, y compris parmi les collègues qui étaient sur le pont en 2009, modérément sur le pont. Donc, cette chose-là, voilà, la seule question, c'est souterrain ou apparent ? Et si c'est souterrain, comment se reconnaît-on ? Si c'est apparent, c'est beaucoup plus facile. Mais à ce moment-là, eh bien, si son nom est publiquement en ligne, eh bien, on entre dans la logique d'appréciation vis-à-vis du reste du monde. Donc, mais c'est concrètement le problème tel qu'il se pose. C'est, en tout cas, dans ma tête, très concret. Cette chose-là avance d'un cran si on se dit que il s'agit non pas de forcément de faire subversion, mais de vivre tel que, au fond, on aurait souhaité que sa vie professionnelle se passe. Alors, on aurait souhaité qu'elle se passe comme ça avec tous ses collègues, évidemment, que l'institution elle-même soit de sorte décloisonnée entre les sciences dures et les sciences humaines, qu'on ait des conversations. Du reste, moi, je suis assez vieux pour avoir connu ces moments dans lesquels on parlait avec les linguistes, avec les sociologues, et ça, c'est terminé, en tout cas dans mon université et pour mon quotidien. Donc, si les réseaux de solidarité il y a une opportunité de, au fond, faire vivre dans les marges du système, de manière souterraine, ce qui aurait été la vie d'universitaire qu'on aurait souhaité. Je ne cache pas mon immense déception vis-à-vis de l'institution par rapport à la manière dont je l'idéalisais comme profession avant de m'y engager. Et donc, c'est ce qui est, au fond, un moteur très fort de faire vivre ce que j'imaginais que ce soit pour constituer un tel réseau. Une deuxième chose plus ambitieuse consiste à penser que si il s'agit d'avoir un rapport de force modéré, raisonnable, eh bien, il n'est pas inenvisageable de renouveler Vincennes. Renouveler Vincennes, ça signifie ne pas renouveler les erreurs de Vincennes. Renouveler Vincennes comme idée, c'est-à-dire constituer avec 1500 universitaires et 20 000 étudiants une université pilote qu'on arracherait non pas aux marges du système en s'organisant de manière souterraine entre nous, mais de manière parfaitement visible avec nos salaires payés par l'État. Et quelles sont les conditions pour obtenir ça ? Mais en plus, on les connaît et elles sont pratiquement en train de se constituer en ce moment, avec les blocages, c'est-à-dire la population des blocages constitue une force pratiquement assez grande pour obtenir comme dédommagement de quitter le mouvement, d'avoir une université pilote. Et ça pose des questions que je trouve très angoissantes. Si demain, on a les moyens pour faire une université dans laquelle on a les locaux, on connaît nos locaux, hein, les salaires, eh bien, qu'est-ce qu'on y fait ? Et là, on se trouve quand même devant un vide, enfin moi, je me trouve devant un vide assez inquiétant sur à quel point on a tellement travaillé au contre pendant des années, pour ceux qui sont sur le pont, j'entends, qu'on est en panne d'imagination sur qu'est-ce qu'on ferait concrètement. Et voilà une piste de choses à faire dans cette idée-là, c'est-à-dire, malgré tout, les uns ou les autres, on déploie quotidiennement dans nos métiers toutes sortes de choses qui sont des astuces de métier, qui sont des pratiques, qui sont des choses qui échappent totalement à l'expertise qu'on nous assène. Et ces choses-là, de fait, on ne les partage plus, et elle ne constitue plus un ensemble susceptible de dire, voilà, j'ai un projet, ce projet c'est Vincennes, il sera articulé comme ça, et nos idées novatrices, adaptées à l'époque de refondation de l'université, les voilà. Alors, est-ce que j'y crois ? Je ne veux pas aborder cette question. Je la mets sous la condition de minorité. Une question. Par rapport aux universités populaires qui existent, il y en a lieu ou pas ? À mon avis, enfin, mon sentiment, c'est que nous sommes dans une phase de recommencement à partir de rien. Je pense que notre base idéologique, elle est nulle. Elle est nulle parce qu'on sort de 40 ans dans lequel ce que j'appellerais le mouvement émancipateur est éteint et en phase d'éclipse totale. Et en phase d'éclipse totale, elle n'a rien produit intellectuellement. Elle n'a rien produit qui ne soit la désespérance de s'être effondrée à la chute du bloc de l'Est. Et ça, cette situation, est-ce qu'elle est désespérée ? Non, elle donne le temps caractéristique pour remonter. Pourquoi ? Parce que les néolibéraux étaient dans notre état de désespoir juste avant-guerre. Les ordolibéraux allemands et juste après-guerre, les néolibéraux ailleurs. Ils ont reconstitué en faisant une critique radicale de leur camp. Radical signifiant table rase et reconstruction à partir des axiomes. Et il leur a fallu eh bien, de 45 à 79 pour accéder au pouvoir et rétablir une phase d'hégémonie culturelle qui dure depuis les années 80. Donc on voit bien que ce travail de refondation, il est de l'ordre de la vingtaine d'années. Si cette refondation, elle est au niveau d'ambition que j'ai. Mais elle passe par des expérimentations, à l'évidence, et de fait, moi j'ai 22 ans, 23 ans à passer à l'université encore, et si demain matin, les conditions pour contraindre l'Élysée à ouvrir Vincennes au XXIe siècle étaient remplies, j'irai avec volontarisme remplir ça. Et donc, on voit bien qu'est-ce que c'est ce comté là-dedans ? Eh bien, c'est être 2000. Et là, ça vous renvoie à vous. À combien estimez-vous les gens qui sont capables d'engager leur vie professionnelle dans quelque chose qui soit de cet ordre, plutôt que rester dans la niche écologique que bon an, mal an ils ont constitué avec leur enseignement et qui permet de sortir de leur enseignement, de se replier sur leur vie privée, et ça a un confort. Donc l'adhésion au système, quand on pose les questions comme ça, on l'a dans sa chair, c'est-à-dire à quel niveau d'engagement. La troisième idée est... il faut du temps, que voulez-vous. La troisième idée, elle reboucle sur ce qui a été dit avant. Et je la crois très sérieuse. Elle n'est pas de moi, elle est de Féher, mais je la trouve très bonne. Elle reprend de manière formalisée ce que Johanna a dit. Elle consiste à penser que parmi les choses qui sont impuissantes, il y a les syndicats. Or, ce dont on discute, eh bien, ça porte un nom, c'est un syndicat. Le réseau de solidarité dont on parle. Et donc pourquoi est-ce que ce réseau de solidarité n'est pas un syndicat ? Parce que les syndicats sont impuissants et que par conséquent, ils ne peuvent pas remplir cette fonction dans l'état actuel des choses. Et donc, pour quelle raison ils ne peuvent pas remplir cette fonction ? Parce qu'ils ont été, différents, créés dans des conditions socio-historiques différentes. Et celle que nous vivons, eh bien... elle est entièrement pilotée par la valorisation de son capital humain, par l'accréditation de soi. Et par conséquent, si on veut avoir une prise, eh bien, il faut prendre très sérieusement sa condition de capital humain, de la même façon que les syndicats prenaient très sérieusement le statut de travailleur, et devenant capital humain, se portant publiquement comme capital humain, eh bien, affecter les conditions d'accréditation, les critères d'accréditation, les critères de valorisation, qui est une manière formelle de redire ce qui a été dit. Ça passe par utiliser toutes les armes de l'ennemi, c'est-à-dire, typiquement, un site web dans lequel sont distribuées des notes et des appréciations très sérieuses, motivées sur la base de critères établis, des chartes, des normes, nos normes, évaluation de, en temps réel, des gens qui prennent des décisions, de sorte, par rapport au système de normes que nous édictons, dégrader la note du jour au lendemain de AAA à AA+, pour adresser un signal. Et cette chose-là, c'est déjà plus ou moins ce qui est fait au travers des réseaux sociaux en pourrissant les réputations de gens, avec bon an mal an quelques succès que je ne vais pas énumérer, mais qui existent. La même chose pour les parcours. Si on considère que les formations de l'école centrale sont mauvaises, elles sont mauvaises parce qu'on y apprend à un niveau de science qui est lamentable, qui se réduit à de la conception de projet, et même ça est parfaitement indigent. Eh bien, je trouve qu'une des choses sur lesquelles on est parfaitement compétent, c'est apprécier au regard de nos normes, et nos normes, nous les connaissons. Nos normes, c'est celle du savoir. Hein. Quelle est la qualité des formations? Eh bien, voilà un moyen très concret. On se met en concurrence d'officines payantes qui font exactement ça, qui produisent du classement, qui produisent de la notation, pour mettre un système d'appréciation qui soit rempli par nos normes. Ce faisant, vous voyez bien qu'on est réellement dans le fait d'accepter son statut. On est dans une logique dans laquelle on ne va pas bouleverser les choses. Bon. Cependant, je pense que ça est un moyen public effectif sur lequel peut-être on aurait une adhésion profonde et qui permettrait de ne pas reprendre une voie qui a déjà échoué. Donc voilà les trois axes que j'envisageais. Je m'excuse pour le long développement intermédiaire. J'évaluerai pas. Hein. Merci. C'est tout. Quelques questions, puis après on va passer la parole peut-être à Alors, j'ai une remarque. Moi, je n'ai pas fait de physique, donc la théorie du champ moyen, je ne connais pas. Par contre, la description m'a rappelé quelque chose, un texte qui, moi, m'a toujours énormément impressionné, m'a beaucoup marqué. Donc, moi, je me donne ces choses comme interaction des agents conçus sur un modèle atomistique qui va créer un milieu où tous et toutes sont également soumis à un même système de normes. Ça provoque une évaluation générale des uns par les autres. C'est ce système qui font la hiérarchie. Ben, c'est la description par Macpherson du système anthropologique Hobbien dans le Léviathan. Il y a un chapitre dans le Léviathan où Hobbes se casse la tête et explique pourquoi les atomes humains sont égaux, pourquoi c'est cette égalité qui fonde la hiérarchie. Et Macpherson, dans son bouquin sur la théorie politique de l'égalisme possessif, fait une analyse de ça absolument magistrale, mais dire de quelle égalité est-ce qu'il parle. Il parle de l'égale soumission à un mécanisme qui s'appelle en fait le marché, qui est un mécanisme d'évaluation des uns par les autres sur une logique où c'est l'interaction des atomes sur le mode de l'évaluation qui génère les normes et la hiérarchie, et qui font le pouvoir dans sa verticalité sur la base d'une égalité qui est l'égalité des atomes dans un système de normes immanent à leur interaction. C'est... Et donc ça veut dire, si on reconnaît du Hobbes là-dedans, on remonte à avant les ordres libéraux. Enfin voilà, là ça veut dire qu'on est sur le capitalisme en tant que tel, à l'état pur, parce que le Léviathan c'est quand même l'individualisme possessif. On peut mieux dire le capitalisme, on peut dire l'individualisme possessif. Voilà, si la chose contre laquelle on se bat, si le système anthropologique contre lesquels on se bat, il est dans le Léviathan, on change de dimension en termes de problèmes politiques. On n'est pas dans une phase du capitalisme, on est dans l'individualisme. Ça devient très savant ce soir. On peut faire plus bas, faire quand même plus simple. Hein. C'est-à-dire que, en fait, le fait que deux molécules qui se rencontrent et qui échangent et qui du coup, pour les fins de leur échange, doivent contrôler le thème de la discussion, le système d'allocation de tour de parole, qui parle, à quel moment, pour dire quoi, qui dit quoi, ce qui fait comprendre la manière dont chacun est observateur et acteur, c'est la conversation. Je voudrais soumettre une idée à propos de eux et nous. Je ne crois pas que nous soyons tous pécheurs. Ah non. On est tous jusqu'au coude dans ce système, avec des immigrés, avec plus ou moins de fatigue, de renoncement, parfois de croyance, d'enthousiasme. Mais je ne pense pas qu'il faille considérer qu'on est tous responsables de cette catastrophe. Alors, eux, voilà comment je les décrirais. C'est une observation qui tient beaucoup au travail que Joël Dallier et moi faisons sur les carrières des gens qui peuplent le système de décision de l'ESN. On travaille sur des dizaines, des dizaines et des dizaines de CV. Alors, je ne veux pas vendre la mèche ou déflorer un travail scientifique de grande ampleur et de longue durée. Néanmoins, il y a quelque chose qui, je crois, apparaît, c'est qu'il y a une différence entre ceux d'entre nous qui se mettent dans des postes bureaucratiques et qui les quittent, et ceux qui y restent. Ça, c'est deux mondes différents. Voilà ce que je vous propose comme pour définir l'ennemi. Il y a ceux qui en changent. De postes bureaucratiques, bien entendu. Je pourrais citer quelques exemples. Il faut spécialement ici que vous faisiez attention que la différenciation qui s'opère vous place, et en partie nous place, dans des conditions d'exception. C'est-à-dire que les endroits, on sait bien que les collègues qui reçoivent l'argent de l'ANR, par exemple, sont éminemment favorables à ce système et sont pris dans l'addiction de la machine. Et de la même façon, il y a le système tient. L'ANR, et puis je m'en vante pas. Je veux dire par là que dans les petites universités, les conditions qui sont faites aux collègues sont nettement pires que les conditions des endroits qui sont valorisés. Donc c'est pas seulement les bureaucrates, le fait de pouvoir influer dans le système sur des collègues se prend aussi dans tout le jeu de différenciation. La preuve est factuelle étant que vous avez décidé en assemblée générale, et je ne vous en fais pas le reproche, c'est factuel, d'intégrer PSL pour vous échapper du lot commun. À l'EHESS. Et donc, s'il y a bien cette chose-là, alors il n'y a pas un reproche, mais on se. Mais pas du tout. On était obligés. Ça fait exactement partie de. Alors, les conditions font que toutes les zones élitaires et favorisées de France se sont regroupées dans peu de regroupements. C'est un fait. Donc, cette différenciation, elle opère comme une partie de ce jeu d'interaction qui font que quand on désigne comme ennemi principal l'État et ses réformes, eh bien, on se trouve impuissant. Impuissant parce qu'il y a de l'adhésion, et c'est ça que je voulais dire. Je ne voulais pas vous en faire reproche, mais simplement que le manque de portée de tout ce qui a été tenté depuis 20 ans procède d'une adhésion partielle, profonde à certaines choses en particulier, parce que sitôt qu'il y a différenciation, il y a malgré tout en différentiel des qui gagnent. Et pour les étudiants, c'est pareil, on vous fait reproche, et c'est la ligne QSF que je ne vais pas défendre, mais enfin je peux l'expliciter, que le problème de l'université en ce moment, c'est d'avoir à accueillir un public qui n'est pas, qui ne peut pas suivre des études universitaires telles qu'on les rêverait. Pour quelle raison ? Parce que le public dont on rêverait est pris par les filières sélectives, les grandes écoles, et par conséquent que, dit QSF, nos problèmes viennent de la lâcheté du milieu, de ne pas expliciter ça. Et avec en partie raison, c'est ça que j'explicite et qui pour moi est une cause profonde de notre incapacité à avoir prise sur le système, l'adhésion partielle des collègues pris dans ces jeux, d'appréciation individuelle ou d'appréciation collective. Il y a donc ce projet d'université pilote me fait penser un peu à la tentative mort-née d'un autre pilote. Je fais l'avocat du diable. Qui est celui de du comité ou de l'instance qui, à Notre-Dame-des-Landes, devait gérer l'après non-aéroport et qui devait prendre en charge collectivement, démocratiquement, horizontalement, la répartition finalement des terres, puisqu'une partie des terres avait été donc vendu à l'État qui les avait rétrocédé à Vinci et maintenant ces terres reviennent à l'État par des gens qui avaient des agriculteurs en grande partie qui avaient accepté le dédommagement et qui étaient partis de là et qui ont recréé une association ou je ne sais pas quand en tout cas, et qui maintenant reviennent dans le jeu pour récupérer leurs terres. Ce que cette instance ne voulait pas, parce que c'est pas, ces gens n'ont rien fait pour faire en sorte que l'aéroport ne se fasse pas. Et ils reviennent et ils veulent reprendre des terres qui ont été rebattues, quoi, dont ils ne sont plus propriétaires. Et en dépit de... C'est quand même... Les gens qui sont là, ça fait quand même une bonne dizaine d'années qu'ils sont là, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils s'organisent voilà, une société pilote, un démocratique pilote, une société civile qui s'organise en dehors de l'État. Eh bien, j'ai appris que ça avait été balayé tout de suite par les représentants de l'État. Voilà. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc ça revient encore à cette idée-là que les membres du... les membres, alors du coup, les atomes constituant le milieu du pouvoir définissent et également ce qui vaut pour une description possible et pertinente de la situation dans laquelle tout le monde se trouve et donc peuvent tout à fait gommer 10 ans. D'expérience, tout un travail comme ça qui pourrait en effet s'aimer, ton université pilote pourrait elle-même reprendre des éléments de la manière dont ces gens, en dépit de leurs très grandes différences idéologiques, tout ça, ont réussi à s'entendre et à faire quelque chose qui les dépasse eux-mêmes, qui est les conditions mêmes de leur existence commune et qui dépasse le simple fait de savoir si on va planter des carottes ou des poireaux. Bon, donc c'est ça, je veux dire par là que c'est l'impensé de notre truc, c'est que le pouvoir est toujours en situation de dire, et les médias et tout ça abondent dans ce sens-là, de dire que l'action, la mesure, la politique qui est prise, ma foi, si elle est déplaisante pour certains, si elle entraîne des désagréments, et quand même ce que l'on doit faire collectivement. Alors, Et cela s'impose. Il n'y a pas, vous ne trouvez jamais dans les mesures exprimées, vous ne vous trouvez jamais d'auteur. C'est pendant que les gens regardent les marionnettes, ils ne voient pas qu'il y a le marionnettiste derrière. Voilà. Bon. Et si les citoyens, alors je termine, hein, si les citoyens qui organisent quelque chose, qui créent une réalité sociale, politique et économique de leur côté, eh bien, ça ne vaut rien. Voilà. La terre sur laquelle ils sont, l'air qu'ils respirent, appartiennent au pouvoir. Voilà. Donc, comment changer les choses? Merci pour cet exposé. Je suis particulièrement sensible à un point que j'ai déjà débattu, ça soit la blessure narcissique que peut constituer pour les technocrates le placement de Shanghai et d'autres choses. J'aurais tendance à dire, étant personnel un petit peu dans ce monde-là, que nous avons peu ici. Autour de la table, peu de connaissances de ce monde-là. Et peu de connaissances, je suis toujours frappé, le peu de connaissances universitaires du monde de la technocratie. On parle là de l'énarchie, des corps d'État, etc. Et je pense que on aurait intérêt à affiner ce travail-là. Par ailleurs, y compris dans le troisième objectif que donnait l'orateur, là, à savoir et l'évaluation, prendre le propre jeu de l'évaluation, c'est-à-dire de rappeler que dans un certain nombre de ces formations-là, HEC, etc., mais aussi ces top formations, il y a beaucoup de pipeaux. Enfin, ça nécessite pour cela, de mieux connaître et de mieux étudier ces corps, ces corps de fonctionnaires, cette énarchie, etc., qui a quand même pas mal évolué hein, dans les dernières années aussi. Donc, c'est une pierre que j'apporte, une constructive que j'apporte à ce débat. Juste 2-3 points pour rebondir, c'est vrai que cette idée d'un nouveau Vincennes, elle est à la fois séduisante, en même temps elle me fait penser, je pense à une lecture qu'on a en commun qui est la zone du dehors de Damasio, j'ai l'impression que c'est fondé à la zone du dehors universitaire. Lisez Damasio si vous ne l'avez pas lu. On récupère le 20% des gens pas très contents et on va ailleurs. Le problème, c'est que ça rend encore plus fonctionnel les gens qui restent à l'intérieur, qui sont encore plus adaptés. Et le problème aussi, c'est qu'il me semble, on va bientôt fêter le cinquantenaire de 68, ce que montre par exemple Julie Pagé dans son travail. C'est qu'un des moteurs en 68, ça a été les intellectuels de première génération à l'université qui se prenaient dans la gueule la combinaison de leur ascension sociale et de l'accès à l'université. Et que si on lâche sur ça, un des risques d'un nouveau Vincennes, c'est que ça devienne une new school for social research, c'est-à-dire au bout d'une génération, ça sera du radical chic, parce que c'est pas effectivement des gens venant de familles pop qui iront d'eux-mêmes forcément, à moins d'un travail énorme, qui viendront forcément candidater dans un nouveau Vincennes, même si ça serait bien aussi qu'il y ait un nouveau Vincennes et que de toute façon l'écosystème respire un peu mieux. Mais je pense que ce qui nous attend de plus en plus, c'est qu'il va y avoir, de toute façon avec Parcoursup, l'auto-élimination de tous les bacheliers modestes et l'endettement à 20 ans de tous les gens qui voudront faire des études. Ce qui nous pend quand même beaucoup au nez, c'est de faire exploser l'idée qu'on puisse avoir accès gratuitement à un enseignement supérieur de qualité qui transforme vos vies, vos façons de penser, vos façons de critiquer ce que pourrait être votre vie. Et donc, je pense qu'il ne faut pas lâcher, même si y a des choses qui risquent d'être appelées collège universitaire, je pense quand même qu'il faut arriver à ne pas lâcher sur la possibilité de l'accès au premier cycle gratuit, quand bien même les gens s'y planteraient. J'insiste, franchement, ce que montre le travail de Stéphane Beau parmi d'autres, c'est que même les gens qui se plantent à l'université, qui en sortent avec zéro diplôme au bout d'un an ou deux, ça change aussi leur vie, ça change aussi leur façon d'ouvrir leur gueule, que ce soit à l'usine, que ce soit dans le tertiaire, que ce soit dans les façons de se syndiquer. Et donc, vraiment, si on raisonne à l'échelle du pays et pas seulement de comment nous être heureux ou malheureux, je crois qu'il ne faut pas quand même renoncer à gratuité de l'accès à l'université, ou gratuité ou disons très très faible socle, hein, parce que ça a des effets quand même sur toute la morphologie sociale, sur est-ce qu'on acte la sécession, classe pop d'un côté, et tant pis, pas d'études, des études de merde, rien du tout. Et puis, le haut des classes supérieures qui arrivera un tout petit peu à sauver sa peau et ses études en s'endettant. Voilà, ça rabuste un peu cette question. Si j'aime bien aussi hein, l'idée de cette zone du dehors universitaire, mais pour moi, elle peut tenir politiquement que si elle est arrimée à une place pour tous à l'université, quand bien même on raterait. Là, rater mieux, voilà. Moi, je trouve que ça serait bien de défendre l'idée qu'on a le droit de rater mieux à l'université et que c'est pas un drame, et réexpliquer ce que c'est que rater mieux à l'université en premier cycle. Parce qu'on peut rater mieux et bien, et rebondir, et arrêter, et revenir plus tard. Oui. Bon, je pense que, ouais, dans ma question, rapidement, parce que ça tourne. Mais en fait, rater mieux ou tout simplement redéfinir ce que c'est que réussir et rater, parce que oui, je suis d'accord. Oui. Est-ce que c'est rater que d'avoir passé une année. Bah, ce que j'aimais bien dans la, je crois que c'était la première proposition de Bruno, ça c'était de rétablir les solidarités entre les gens. Et c'est ça que le capital, pour employer un gros mot, fait très très bien depuis longtemps. C'est ce que dans le film sur Howard Zinn, d'ailleurs, il me fait dire à Rockefeller, ne les laissez pas s'organiser parce que sinon ils vont réussir. Et alors évidemment, le problème c'est que les universitaires sont un très beau terreau pour opposer les gens, puisqu'on leur fait croire que ce qui est important, c'est d'être le meilleur. Et ça a été dit tout à l'heure, moi, je ne suis pas très très fan de cette idée du meilleur. C'est quoi le meilleur? Alors, ça veut dire quoi, le meilleur? Pour faire une analogie avec la course à pied, vous avez le meilleur, c'est celui qui court en 9 secondes, 950, je ne sais pas quoi. Bon, pour moi, il y a des personnes, je travaille avec des personnes handicapées, je suis pas présenté, je suis à Paris 8 dans le master technologie handicap, et il y a des personnes. Simplement marcher 100 mètres, c'est pour moi beaucoup plus impressionnant qu'un mec qui court le 100 mètres en 9 secondes 80, je ne sais pas combien. Et donc du coup, forcément, à partir du moment où on dit « ouais, tu veux être meilleur que l'autre, et t'as peut-être plus payé, t'auras une prime, etc. », c'est un terreau super facile. Et je pense que c'est essayer de refaire travailler, enfin, de refaire travailler ces solidarités, remettre les gens... aller vers les collègues pour reconstituer ces solidarités, je pense que c'est le premier réseau qui peut permettre de construire quelque chose pour que peut-être il n'y ait pas un Vincennes, mais que toutes les universités soient devenues Vincennes. C'est un petit peu ça l'objectif. Mais on peut aussi... Et plutôt que de dire il faut être le meilleur, moi j'aime bien ce qui a été dit aussi par quelqu'un après, le travail bien fait, c'est-à-dire mais que chacun... Pour moi, être le meilleur, c'est être éventuellement fier être content de son travail, considérer qu'il est bien fait. Et que même si on n'est pas Einstein, on a le droit d'être dans l'université. Parce que n'oubliez pas aussi que si on prend un Fordéal qui va être capable de transporter une poutre tout seul, ben deux médiocres, ils transporteront beaucoup mieux la poutre que le Fordéal. Voilà.